Les Poilus, de Sigolène Vincent et Yves Ramonet. Huitième salve. L'anarchie est morte, vive l'anarchie. Ah, ça et ton ouverture à la rosée Raoul Capablanca, c'était bien vu, l'inconnu. Mais si tu croyais pouvoir me mettre en zugzwang, c'est penser que je jouerais comme un Allemand. T'auras pas mon roi, l'ami. Le spectre, baisse-toi un peu que je vois mieux le jeu. À vos ordres. Je suis content d'être votre phare à tous. Et voilà. Échec et mat. Merde. La prochaine partie, on la fait en blitz. Pour pas perdre de temps. Blitz? Zugzwang? Ah, décidément. Tu serais pas un peu allemand sur les bords? Oh, bah non. Enfin, je sais pas. Ich weiß es nicht. En tout cas, moi, les parties rapides, ça m'emmerde. Je préfère quand ça dure. Un peu comme l'amour. C'est beau, l'amour. Moi, personne ne m'aime. Ah, oh, si. Moi, je reconnais une à qui tu plais. Ah oui? L'infirmière. Marina Vinsonievska. Elle doit envoyer du bois, celle-là. Elle dit tout le temps, ni Dieu, ni maître. J'ai besoin de ton halo pour faire le tri dans mes ampoules de morphine. Tu peux venir? À vos ordres. Mais merde, arrête de parler comme ça. On dirait que t'es mort pour rien. Malheureusement, je suis mort pour rien. Ah, si Debord t'entendait. T'es mort pour l'exemple, imbécile. Dites l'inconnu, ça vous dirait pas d'aller encore perdre aux échecs contre Biribi? Ouais. Vous voulez que je parte, c'est ça? On peut rien vous cacher. Si ce n'est votre identité. C'est bon, viens, l'inconnu. On va laisser les tourtereaux tout seuls. J'ai l'impression qu'ils ont à causer. Ouais. Eh bien. Je voulais te dire, le spectre, je suis comme toi. Ah bon? Vous êtes morte? Non, anarchiste. Ah mais je ne suis pas anarchiste. Je suis plutôt radical socialiste. Enfin... si on en croit la carte du parti que j'avais sur moi. Tais-toi, tu es l'anarchiste dans toute sa splendeur. Si vous le dites. Oui. Mais malgré moi, alors. Quelle modestie, rends-toi compte. Tu as refusé la consigne? Oh, si peu. Et le surmom, tu es revenu de la mort. Parce que même venant d'elle, tu as refusé l'ordre supérieur. Évidemment, vu sous cet angle. Tu es l'être le plus libre que j'ai jamais rencontré. Je veux être toi. Donne-moi l'immortalité. Fusille-moi. Là, dans le cou. Hein? Ah non, ça jamais. Je ne pourrai jamais le faire, même sous la torture. Tue-moi, je veux être pâle comme toi. Mais je suis laid, tout le monde le dit. Demandez au baron, je suis le seul homme qui l'ignore. Parce que tu es trop beau comme la mort. Écoutez Marina, vous êtes bien gentille, mais je ne peux pas faire ça. Et d'abord, oui? Je suis une imposture. Je ne te crois pas. Oh, et pourtant... Je m'en fous. Tue-moi. Nous lèverons une armée de morts-vivants qui renversera la nation. Marina, gardez vos forces vives. Je vous assure que votre combat y gagnera. Tue-moi! D'amour ou de haine, mais fais-le! Hors de question! Je n'accepte jamais aucun ordre de personne. C'est vous qui l'avez dit. Mais c'est la meilleure, celle-là. Tais-toi. Ne dis plus rien. Je t'aime. Ne me tue pas, d'accord, mais... alors, un baiser? Au moins... Les gars, je viens de surprendre le spectre et l'infirmière se galocher aussi blanc l'un que l'autre. Aussi blanc l'un que l'autre? C'est quoi ce racisme ordinaire, Nguma? C'est pas du racisme. La petite avait l'air plus morte que vive. Bah merde, il se fait pas chier, le spectre. Nous, on doit se contenter des lettres d'amour du poète et des clins d'œil du baron. J'ai senti comme un souffle quand je suis passé près d'eux. Ouais. Un chant lugubre. L'anarchisme est mort. Vive l'anarchisme. Eh bah, ça promet des lendemains qui chantent, ça, je vous le dis. Bon, je vous laisse. L'anarchisme et le désordre, c'est bien joli. Mais j'ai un peu de ménage à faire chez les boches, moi. C'était Les Poilus de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Huitième salve avec Lenka Luptakova, Philippe Ciboulet, François Hatt, Didier Brice, Laurent Ferraro, Donatien Guillot, Julien Alouf. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande.